L'agenda. Radio Mont-Blanc. L'agenda. On part entre la France et la Suisse avec ce rendez-vous jazz incontournable du mois d'octobre qui est de retour. Jazz Contrebande de Genève à Annecy, en passant par Annemasse. Ce réseau transfrontalier réunit une quarantaine de lieux pour faire vivre le jazz, mais pas que, la soul, le blues et la fusion. Cette année encore, le festival Jazz Contrebande propose une riche programmation de concerts, de masterclass et de plein d'autres événements culturels. Le détail de la programmation, c'est sur jazzcontrebande.com et le festival débute le 1er octobre, demain. Sinon, je vous emmène à Annecy pour cette fois-ci vous faire découvrir une nouveauté, le grand show signé Aria Fresca. C'est un spectacle puissant, sensible, visuel, où l'art avec un grand A se vit pleinement au travers de musiciens, de danseurs, d'acrobates qui se relaient sur scène pour vous offrir un voyage vibrant et surprenant. Rendez-vous à la salle Pierre Lamy le vendredi 3 octobre à 20h30. Un univers unique vous attend. Préparez-vous à vivre une expérience artistique complète. Et changement d'ambiance, sinon, ce week-end à Sallanches, le samedi 4 et dimanche 5 octobre, plongé dans l'univers des Vikings au château des Rubins lors de l'événement Odin aux Rubins. Au programme, démonstration de combat lancé de haches, présentation d'armes vikings et même un atelier tatouage. Et puis samedi soir, 20h30, place à la musique avec un concert de musique celtique. Et Radio Mont-Blanc est ravi de vous offrir vos entrées pour l'un des deux jours de ce week-end spécial Viking, c'est au château des Rubins. Et pour ça, vous envoyez Viking sur le WhatsApp, c'est au 04 50 58 24 47.